Le fantôme d'Asiadé, d'après Pierre Loti. Lu par Xavier Gallet. Réalisation Baptiste Guiton. Épisode 3. Fouillis des paquebots, des voiliers, portant tous les pavillons d'Europe. Des fumées noires au-dessus desquelles montent, là-bas dans le ciel clair, les dômes des mosquées. Majestueuse Stamboul. J'avais fini par louer une maison dans le quartier des Youbes qui est là, tout près, juste en face, de l'autre côté de la Corne d'Or. J'ai presque l'illusion de rentrer chez moi, de retrouver ma maison telle que je l'ai quittée il y a 10 ans où je passais des nuits à l'attendre. Asiadé. Quelle joie d'amarrer notre caïque à l'échelle des Youbes, dans la solitude et le silence. Sauter sur la vase, de planche en planche, tout de suite c'est l'herbe fine et c'est l'ombre des grands platanes qui comptent leur âge par siècle. Personne ne me regarde venir. Je n'aperçois personne nulle part. Je traverse la petite place déserte. Oh mon Dieu, on a tout changé. Je ne parviens plus à m'orienter, c'était bien là pourtant. Ma maison et les 2 ou 3 qui l'entouraient n'existent plus. À la place, il y a un grand mur blanc. Cette vision suffit à faire reculer le passé dont je poursuis la trace. Je suis un étranger, ici, maintenant. J'étais fou de venir y perdre mes instants comptés, quand j'aurais dû au contraire revenir sur mes pas, suivre la seule piste un peu sûre, rechercher à tout prix la vieille femme. Pourtant, cela faisait partie de mon pèlerinage aussi, de revoir Ayoub et la mosquée sainte et l'allée des saints tombeaux. Je ne reviendrai peut-être jamais ici. Ce sera une perte de 5 ou 10 minutes à peine. À l'entrée du cimetière, je suis saisi par le silence glacé de ce lieu, par sa sonorité funèbre que j'avais oubliée et qui change le bruit de mon pas qui résonne davantage sur ces mêmes pavés sertis de la même mousse et de la même herbe triste. Dans l'allée d'éternelle paix, sur les dalles de marbre verdies à l'ombre où l'on voudrait marcher lentement, la tête basse, je cours. Je cours. Au bout de l'avenue, dans une ombre plus épaisse, sous une voûte obscure de platane, je m'arrête devant la petite porte de l'impénétrable mosquée sainte. Tout de suite, je repars en courant, repris par l'inquiétude de l'heure qui fuit, par la frayeur du soleil couchant et du soir. C'est à Kassim Pacha, naturellement, à la recherche de cette vieille femme, que je vais retourner coûte que coûte. Je dis au rameur d'aller vite. Il se met à ramer de toute la force de ses bras. Le courant nous aide et nous descendons lestement la Corne d'Or, nous éloignant du sombre Ayoub. Nous passons devant le faubourg d'Adjiköy, un faubourg pauvre. Là aussi j'avais reçu quelques semaines Asiadé, bien caché dans une maison. Je la vois encore, assise à terre sur un tapis rose et bleu, droite et sérieuse, les jambes croisées, à fumer du haschich qui amène doucement l'ivresse, cette légère ivresse orientale, cet anéantissement du passé et l'oubli des heures sombres de la vie. Elle me regarde en souriant. La richesse orientale de son costume contrastait avec l'aspect modeste de mon logis. Elle porte une de ses vestes à longues basques, une veste de soie violette semée de roses d'or. Son pantalon de soie d'Asie jaune descend jusqu'à ses chevilles, jusqu'à ses petits pieds chaussés de pantoufles dorées. Sa chemise en gaze de brousse lamée d'argent laisse échapper ses bras ronds d'une teinte mate et ambrée frottée d'essence de rose. Ses cheveux bruns sont divisés en 8 nattes si épaisses que 2 d'entre elles auraient suffi au bonheur d'une merveilleuse de Paris. Il s'étale à côté d'elle sur le divan, noué au bout par des rubans jaunes et mêlés de fils d'or. Une masse d'autres petits cheveux plus courts et plus rebelles forment nimbe autour de ses joues rondes, d'une pâleur chaude et dorée. Des teintes d'un ambre plus foncé entourent ses paupières. Sa lèvre rouge s'entr'ouvre par un mouvement qui eût rendu laide une autre femme, mais qui la rendait, elle, plus charmante. 2 rangées pareilles de toutes petites perles blanches. On eût vendu son âme pour embrasser ses perles blanches et la contraction de cette lèvre rouge et ses gencives qui semblaient faites de la pulpe d'une cerise mûre. Bach, Lotim, Kachtanée par Mac Bourada, Var. Et elle montrait sa main, les doigts étendus. 5, Asiadé. Oui, Loti, 5 seulement. Et cependant, ils ne sont pas tous semblables. Le pouce est un peu plus court que le suivant, le second un peu plus court que le troisième. Le dernier est le plus petit de tous. Il était en effet très petit, le plus petit doigt d'Asiadé. Son ongle très rose à la base était à sa partie supérieure teint tout comme les autres d'une couche de henné d'un beau rouge orange. Comme les doigts de la main, toutes les créatures d'Allah sont différentes. Toutes les femmes ne sont pas les mêmes, ni tous les hommes non plus. C'était une parabole naïve ayant pour but de me prouver que si d'autres femmes aimées autrefois avaient pu m'oublier, que si des amis m'avaient trompé et abandonné, c'était une erreur de juger par eux toutes les femmes et tous les hommes qu'elle, Asiadé, n'était pas comme les autres et ne pourrait jamais m'oublier, que Achmet lui-même m'aimerait certainement toujours. Loti, donc, reste avec nous. Pourquoi ne pas vieillir ensemble et s'aimer encore? S'aimer éternellement dans la vie et après la vie. Tu seras vieux, je serai vieille. Cela ne fait rien, Loti. Nous nous aimerons toujours. Singulier début quand on y pense. Que le début de notre histoire. Tous ces risques pris pour arriver à un résultat par lui-même impossible, faire la cour à une femme musulmane sous son balcon, entreprise sans précédent dans les annales de la Turquie. Dans ce but, s'habiller en turc, à Istanbul, dans un costume qui, pour un œil quelque peu attentif, pêchait par l'exactitude des détails et circuler ainsi par la ville quand une simple question adressée par un passant eût pu me perdre. Et tout cela pour tromper l'ennui de vivre. Par défi jeté à l'existence. Au début, plutôt par bravade que par amour. La fumée flotte. Comme un long nuage horizontal sur l'amoncellement des barques, nous abordons à l'échelle de Kassim Pacha. 10 minutes de marche empressée, par de vieilles petites rues bien musulmanes où la foule bariolée crie ses transactions et ses marchandages pour arriver de nouveau à ce quartier où nous avons des chances de trouver Anakhtar Shiraz. « j'envoie le guide albanais à sa recherche. Qu'il l'a pris de venir ici causer un moment avec moi. Cette fois, il la trouvera, j'en suis sûr. Je m'inquiète seulement de savoir si elle consentira à venir, si elle n'aura pas peur. Des minutes et des minutes d'attente. Enfin, il revient, l'Albanais, suivi d'une grosse vieille femme vêtue de noir que je reconnais tout de suite. Je ne l'avais vue qu'une seule fois dans ma vie, mais c'est bien elle. Son air est effaré, hagard. Elle a vieilli terriblement, pourvu qu'elle se souvienne. Ahmed ? Ahmed ? Non, elle ne se rappelle pas. Il y en a tant des Ahmed, à Istanbul. Elle a peur, peur de je ne sais quoi. Cet Ahmed, je le recherche parce que je l'aimais tendrement. Je voudrais le revoir. Aide-moi. Je te supplie. Allons. Cherche. Ahmed. Je te reconnais, moi, pourtant. Je suis sûr d'être venu avec lui te parler ici, il y a 10 ans, quand tu demeurais dans ce quartier. Et je lui ai même écrit « Chez toi » durant les 3 premières années qui ont suivi mon départ. Ahmed, toute petite bouche, catholique de naissance, converti à l'islam. Un drôle de garçon de petite taille, bâti en Hercule, propre comme une chatte. Ah, Ahmed. Ah, Miran. Ahmed. Eylül. Eylül. Yeti senedan. Çoktan öldü. Mon plan s'écroule, et la journée s'achève, et je ne sais plus que faire. Mort. Mort. Il y a 7 ans, il y a longtemps qu'il est mort. Tout à coup, je me rappelle la sœur d'Ahmed. Comment donc était-elle sortie de ma mémoire, celle-là ? Je ne l'avais aperçue qu'une fois, à peine et dans l'obscurité. Ahmed ne la voyait presque jamais et baissait la voix pour parler d'elle, mais elle savait l'existence d'Aziadeh et sa demeure. Et connaissait bien aussi Khadija, la négresse. Vraiment. Je ne comprends pas comment je n'y ai pas songé plus tôt. Te rappelles-tu qu'il y avait une sœur qui demeurait toute seule par là-bas, vers les eaux douces ? Dieu merci, elle se rappelle. Et elle croit que cette sœur existe toujours là-bas, dans sa même maison. Mais depuis l'enterrement d'Ahmed, elle ne l'a pas revue. Tu vas m'y conduire. Elle objecte qu'il est bien tard. Je la supplie. Ses yeux s'attendrissent. Elle me conduira ce soir. Je congédie mon guide, qui a pris un air trop attentif, trop inquisiteur. La vieille Anaktar Shiraz et moi cheminons vers la mer pour retrouver mon caïque et mon batelier qui nous ramèneront au fond de la Corne d'Or, près des eaux douces. Le soleil est éteint quand nous mettons pied à terre au-delà de Pripacha, dans l'extrême banlieue confinante aux immenses cimetières. Et nous voici, l'Arménienne et moi, marchant ensemble très vite, au crépuscule, dans un quartier que je ne connaissais pas, dans un sombre petit quartier, aux rues étroites et tortueuses, aux maisons de bois. Anaktar Shiraz s'arrête devant une de ces demeures et frappe le maillet de fer. Peu après, la porte s'entrebâille d'une façon méfiante et dans la fente d'ombre m'apparaît la figure spectrale qui me fait frémir. Une figure triste, fanée, amaigrie, mais ressemblant au pauvre petit Ahmed. Les mêmes traits, la même expression, les mêmes yeux. C'est comme si je l'avais revu lui-même, vieilli de 40 années, et me jetant un regard de reproche par-delà le temps et la mort. Je suis Loti. Je suis revenu. Je vois des larmes silencieuses, de grosses larmes qui descendent le long de ses joues. Elle nous fait signe d'entrer. Qu'il fait triste ici, au crépuscule, dans cette chambre nue où cette femme pleure. Sa dernière nuit, il t'a appelé. Il t'a appelé, Lottie. Lottie. Lottie. Qu'est-ce qui te ramène aujourd'hui? Pourquoi n'as-tu pas répondu aux lettres de mon frère? C'est à cause de toi qu'il est mort. À cause de toi. Les mots que je voudrais dire s'arrêtent et s'éteignent. Elles voient bien toutes les deux que je suis venu pour dire ou pour demander quelque chose de grave. Mais quoi? Je ne parle pas. Elles attendent. Et le silence se fait de plus en plus lourd dans la nuit qui tombe. Je voulais te prier de me dire où on l'a mise. Elle est morte, n'est-ce pas? Tu te souviens d'Aziyadeh, la petite dame turque que ton frère aimait beaucoup lui aussi? Tu t'en souviens? Elle est morte, n'est-ce pas? Je comprends que c'est oui. Est-ce que tu ne le sais pas? Vraiment? Et je réponds à demi-voix que je sais. Je mens. Parce que j'ai honte devant elle de ne pas savoir et d'avoir pu vivre des années ainsi. Mais je vois bien qu'elle ne me croit pas. Elle ne peut pas comprendre mon attitude. Nos sangs-froids et nos tranquillités de souffrance sont incompréhensibles aux orientaux qui, eux, jettent des cris. Ce silence devient de plus en plus glacial. On dirait que, entre nous, des couches d'air se figent. Elle ne sait pas, la sœur d'Akhmet, où on l'a mis, le corps d'Aziyadeh. Mais Khadija la négresse, qui existe toujours, le sait sans aucun doute. Si j'y tiens, elle ira demain lui demander. Demain? Oh non. Ce soir, tout de suite. D'abord, elle refuse. Alors je la supplie. Ses yeux s'attendrissent. Eh bien, oui, elle ira. Elle ira chez Khadija, l'ancienne servante d'Aziyadeh, l'avertir et prendre rendez-vous. Puis, dès demain matin, elle retournera la chercher avec un caïque et me l'amènera où je voudrais. Tu lui diras bien, à Khadija, que ce sont des voyages militaires qui m'ont empêché de revenir des expéditions, des guerres lointaines. Ce n'est pas ma faute. Si je ne les avais pas aimés, ton frère et Madame Aziyadeh, est-ce que je serais ici ce soir, revenu de si loin, après 10 ans? Tu lui diras, n'est-ce pas? Et voici enfin notre plan décidé pour cette journée de demain. À 8 heures, nous nous retrouverons tous devant mon hôtel. Je repars seul. Mon batelier, d'un air câlin d'enfant fatigué, me montre ses bras nus qui commencent, dit-il, à lui faire mal. Faut-il toujours aller aussi vite? À quoi bon maintenant? Je n'ai plus de but, personne ne m'attend nulle part, dans cette grande ville où je ne suis plus connu que des morts, peu importe où nous irons maintenant. Plus rien à faire qu'à errer libre et seul en recherchant ça et là des traces, des souvenirs d'autrefois. Va très doucement, au contraire. Va où tu voudras. Laisse dormir le caïque au fil de l'eau. Et bientôt, nous sommes presque immobiles, entraînés seulement par une insensible dérive. Le rameur a croisé ses bras. Et il chante. Un point lointain s'approche en glissant comme une ombre. Un léger bruit d'aviron, c'est la barque d'Achmet. Les factionnaires le couchent en joue. Achmet leur fait un signe et les fusils s'abaissent. Les factionnaires ont une consigne qui concerne lui seul. Mon secret est devenu celui de tout l'équipage. Je saute dans sa barque qui s'éloigne. J'enlève le manteau qui couvrait mon costume turc et la transformation est faite. Ma veste dorée brille légèrement dans l'obscurité. La brise est molle et tiède et Achmet rame sans bruit dans la direction de la terre. Je regarde sans voir le merveilleux décor crépusculaire, Stamboul qui se reflète, renversé dans l'eau calme. Là-bas, une petite barque stationne. Elle contient une vieille négresse enveloppée d'un drap bleu, et puis une femme tellement voilée qu'on ne voit plus rien d'elle-même qu'une informe masse blanche. Achmet reçoit dans sa barque Khadija et s'éloigne sans mot dire. Je suis monté dans la barque remplie de tapis soyeux, de coussins, de couvertures de Turquie. On y trouve tous les raffinements de la nonchalance orientale et il semblerait voir un lit qui flotte plutôt qu'une barque. J'ai pris les rames et en sens inverse, nous nous éloignons. La femme au voile reste muette et immobile. Les yeux fixés sur elle, j'attends avec anxiété qu'elle fasse un mouvement ou un signe. Quand, à son gré, nous sommes assez loin, elle me tend ses bras. C'est le signal attendu pour venir m'asseoir auprès d'elle. Je tremble en la touchant. Ce premier contact me pénètre d'une langueur mortelle. Son voile est imprégné des parfums de l'Orient. Il nous est interdit d'échanger seulement une parole. Nous ne nous sommes réunis que pour goûter ensemble les charmes enivrants de l'impossible. Pour oublier le monde et la vie dans un baiser commencé le soir qui dure jusqu'au matin. Un peu avant que le muezzin de son minaret ne lance dans la nuit aux quatre coins du ciel sa plainte, son chant presque immortel, Achmet et la vieille Khadija nous rejoignent. Je quitte ce lit dans lequel nous avons dérivé dans le Bosphore. Longtemps, je suis des yeux Asiyadeh, étendu inerte à la place où je l'avais quittée, chaude de baisers et humide de la rosée de la nuit. Vous venez d'entendre Le fantôme d'Asiyadeh, troisième épisode. D'après les romans Asiyadeh et Fantôme d'Orient de Pierre Loti. Adaptation Florian Azoulay et Xavier Gallet. Lue par Xavier Gallet. Musique originale Olivier Innocenti. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage Julien Douminc, Pierre Henry. Assistante à la réalisation, Justine Dibling. Réalisation, Baptiste Guiton.